Ouais, c'est le quartier rouge. Red Sky et Red Skunk. Vision rouge. Combien d'MC voient rouge quand on débarque, les gros? En one shot, remballe ton stylo shot, les gros. Écoute ça, sur tension. Arrivé à un moment de ma vie où il faut que je la prenne en main comme ma bite. Quand je m'engage dans un trou, je pense qu'il y a des fourrailles. La version, la famille à la maille, les faire chier et percer. Sorti de sa bonhomme, y'a pas grand chose qui m'attise. J'aime bien la tease et la baise. Un peu dit que ça, pas de minic, ni de gimmick, ni comme ou qu'à l'autre. Allez, mou, baisse le simnic. On nous a dit de poser un one shot. Et les man chutent, plus de bruit, c'est juste moi et one pot. Les portes manquent tous devant en vrac. Fonce dès à l'entrée, on n'a pas le comportement. On braque avec des mics. Ils disent qu'on est trop, bah alors on a le droit qui est gros et pas en solo. Sinon, les potes. Manque, je vois la vie en rouge écarlate. Comme je peux, je m'éclate avec mes scarlats. Entre nous, y'a v'là les karmates. Marre de rire jaune, de courir après les occasions et de voir les autres pourrir en tôle ou mourir jeune. Risque maximum dans une autre ville ou trône. Régime laxiste pour eux-mêmes et pas pour nos mômes. Sous pression comme une Amstel face aux vices d'Amster. Dame, faut qu'on soit à la hauteur comme Mamsi. La vie, c'est ça, ça part en fumée comme la dynamite. Trop de haine anime les miens, les cœurs crient famine. Cousin, flot trop mortel, quartier rouge, full bord. Red Sky, Red Skunk, j'traque des luxe formels. Tu veux savoir pourquoi je suis sur tension? Et je te réponds, te pose pas de questions. Tabac, masse pilon, DSP pour être mort pilot. Je transcris ma rage avec une feuille et un stylo. Quand les flics s'acharnent au boulot, comment rester calme? Crapulerai au culot, 42 kilos et ça scanne. Je vis dans une tête qui n'est pas pisse, dans les pattes ça chie et ça pisse. Ça grandit ensemble et tout de même ça se teste. Dans les HLM, jeune, je parcours mon grand HLM. Franchement, penses-tu que cette ville HLM? L'attention monte encore car ma couleur pose un blème. Tout le monde vous blâme, la flamme tricolore est toujours ventre emblème. Ou lorsque pour te garder, une feu me tape en vis et se fait tourner à côté et que être amène un fils. Trop de tension, je n'arrive même plus à écrire. Trop de choses à dire, c'est dur ce pays, je dois le fuir, c'est sûr. J'suis trop mûr et je suis en train de pourrir sur la mesure. Je sais que je suis pas le pire et ça me rassure. Le fait que de péter se marie augmente ma sueur. La même pour un lascar qui s'approche trop de ma sœur. Ou cet MC Mito qui se prend pour une méga star. Y'a pas d'ordre précis, c'est confus dans mon chéro. La pression monte comme l'envie d'exploser tes chicots. Ou lorsqu'une petite se fait violer par un toxico. L'attention, j'en ai besoin pour être en expansion. Et je pense qu'elle alimente mes diverses pulsions. Comme apprendre que ce que t'encules n'est rien d'autre qu'un garçon. J'imagine bien la réaction, t'as mordu à l'hameçon. Quartier rouge 2001, Valdef au cœur de l'action. D'Alirica, Bibine vient pour le rap et l'évasion. Sur le beat, je me lâche et mon liquide rouge crache. On se pose à l'arrache, enfin, je wesh et après on s'arrache.